paraît que ça déglingue. Moi, je trouverais plutôt que ça conserve. Tu vois, je vais bien. Et mes amis, ce sont toujours les mêmes depuis longtemps. Tu vois, je vais bien. Je vais même très bien. J'étais pas venu ici depuis quelques années. Au temps de nos cafés pris au comptoir. Et puis j'ai eu envie de voir si quelque chose avait changé. Tu vois, je vais bien. Je fais de la musique. Je crois bien que sans elle, je serais mort depuis longtemps. Tu peux leur dire si tu les vois que j'ai suivi une autre voie. Que j'ai pas revu cette fille dont je vous parlais matin et soir. Dis-leur que je l'aimais bien quand même, celle qui riait de mes poèmes. Quand j'essayais de lui faire la cour pour pas dormir pendant les cours. Tu vois, je vais bien. Je vais même très bien. Machine arrière, j'ai voulu vaincre mes barrières. Tu vois, je vais bien.